professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi associer connaissance, vérité et démocratie, demande la philosophe Claudine Tiercelin. Qu'est-ce que l'espace des raisons ? De Platon à Hannah Arendt, que pourrait bien venir faire vérité et connaissance dans un univers où règne la contingence, des vérités de fait et non de raison ? À l'heure des relativismes de tout genre, dans un contexte de montée des populismes et de peur panique, et d'essor d'effets dits alternatifs, on comprend l'urgence à faire dialoguer la philosophie de la connaissance avec ses disciplines sœurs que sont la philosophie morale et la philosophie politique. Spécialiste de Charles Peirce, ce Leibniz américain, ce logicien fondateur du pragmatisme, Claudine Tiercelin, qui a enseigné à Paris et à Fordham à New York, membre de l'Institut de recherche Jean Nicot, est devenue en 2011 la première femme titulaire d'une chaire de philosophie au Collège de France, faisant entrer aussi pour la première fois à l'occasion depuis 1530 le mot « métaphysique » dans le programme de recherche de l'institution pluriséculaire. Cette normalienne, titulaire donc de la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance, tisse avec passion un stimulant dialogue entre l'Europe et les États-Unis, entre le passé et le présent. Dans sa présentation de cette nouvelle série, Claudine Tiercelin rappelle, et je la cite, que politique, connaissance et vérité sont censées ne pas faire bon ménage. Mais la démocratie va de pair, dit-elle, avec l'idée de citoyens égaux, rationnels et autonomes. Défendre la démocratie contre le sceptique, le relativiste et le cynique, c'est se situer dans un espace de raison, théoriques et pratiques, où l'on peut apporter des justifications et viser non le seul consensus, mais la vérité. Voilà pour les enjeux de ce premier cours, et lançons dès les premières minutes que le chemin choisi par notre philosophe sera exigeant et sans doute un peu iconoclaste. Après sa leçon inaugurale donnée en 2011, Roger Paul Droit, dans un beau portrait que je vous recommande et publié dans Le Monde le 30 juin 2011, notait, et je le cite, « que la philosophe n'ignore pas que son programme de métaphysique scientifique peut susciter malentendus ou scepticisme. Son projet, en une phrase, écrit-il encore, « reformuler les problèmes de la métaphysique classique en tenant compte des acquis de la science ». Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 1er mars 2017 pour le cours de Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité, démocratie, aujourd'hui, la démocratie ou l'espace des raisons. Pourquoi associer donc ces trois concepts, connaissance, vérité et démocratie ? De prime abord, en effet, un tel attelage, quand même, peut un peu surprendre. Et plus particulièrement, l'association des deux premiers termes avec le troisième. De quelque manière, en effet, que l'on définisse la démocratie, ce qui, nous le savons et allons amplement le vérifier, n'a rien de simple. Il faut bien admettre qu'elle concerne les gens, le peuple, et relève en tant que telle de ce qu'on appelle la sphère politique. Or, nombreux sont ceux qui considèrent, au moins depuis Platon, non seulement que connaissance et démocratie ne font pas bon ménage, mais aussi, et peut-être plus encore, que la vérité n'a rien à faire en politique. Relisons Machiavel, relisons Hannah Arendt, relisons John Rawls ou Habermas. Aussi différentes que soit pour chacun leur raison, je vais y revenir, l'affaire dans chacun des cas semble acquise. Que pourrait bien venir faire vérité et connaissance dans un univers où règne la contingence, des vérités de fait et non des vérités de raison, où l'on peut du reste moins se reposer sur des faits que s'abriter derrière des interprétations, des fictions, des récits, et où ce qui compte, en définitive, ce n'est pas du tout le savoir, de dire le vrai, de rendre compte de ce qui est, mais de réussir, dans le meilleur des cas, à faire s'entendre des gens que presque tout, en général, oppose. Les optimistes penseront que l'on peut parvenir à un consensus, non pas rationnel du reste, mais simplement raisonnable, moyennant différentes techniques de neutralisation des singularités, comme on peut le voir chez Rawls ou chez Habermas. Et les pessimistes, ou les cyniques, considéreront que l'on ne peut rêver d'y parvenir et que partant de là, il faut bien se faire à l'idée que la politique, c'est tout simplement, et autant le savoir et cesser de se lamenter, le règne du conflit permanent, du mensonge, du pouvoir sans partage et de l'autorité. Dans la préface au livre « Rationalité, démocratie et vérité », volume issu du colloque organisé en présence de Noam Chomsky par la chaire de philosophie du langage et de la connaissance de Jacques Bouvresse, il y a quelques années, Jean-Jacques Rosa écrivait ceci. Il est largement admis que les tyrannies s'appuient sur le mensonge et les préjugés, et que la démocratie suppose l'existence d'un espace public des raisons où s'affrontent pacifiquement des citoyens éclairés. Mais il est largement admis aussi que le savoir confère habituellement à celui qui le possède une supériorité et une autorité sur celui qui ne le possède pas. De nombreux penseurs en ont conclu à l'existence d'un antagonisme irréductible entre vérité et rationalité d'une part et démocratie de l'autre. Fin de citation. À bien des égards, placés comme nous le sommes en ce moment même dans une situation historique où non seulement le mensonge semble tenir lieu exclusivement de politique, mais où l'importance de la réalité des faits eux-mêmes est à ce point déniée que l'on en vient à évoquer des faits alternatifs, on peut évidemment se poser très sérieusement la question de savoir s'il ne faut pas plutôt donner raison, en ce sens, aux pessimistes et aux cyniques. Les faits, se plaisait à dire Bertrand Russell, je cite, représentent la limitation du pouvoir de l'homme. Nous nous trouvons vivre dans un univers qui est d'une certaine sorte, et nous découvrons de quelle sorte d'univers il s'agit, par l'observation, et non par l'auto-affirmation. Oubliez que nous sommes contraints par des faits qui sont pour la plupart indépendants de nos désirs, est une forme de mégalomanie délirante. Fin de citation, le passage, c'est dans The Impact of Science on Society, 1952. Mais nous savons aussi, depuis quelque temps, que même chez ceux qui se proclament comme les amis de la démocratie, il ne fait pas toujours bon non plus de se présenter tout de go comme un ami de la vérité. Car si les héritiers des Lumières ont toujours été, pour leur part, convaincus que vérité et connaissance étaient naturellement la voie royale pour parvenir au bien de tous, parce qu'elle menait à l'émancipation et à la liberté, un certain nombre d'amis de la vérité, ou supposés tels, ont considéré, comme le rappelle Jean-Jacques Rosa, que, je le cite, « le savoir n'était en réalité rien d'autre qu'un pouvoir, que les idées de raison et de vérité objective étaient des obstacles à toute politique d'émancipation, et que les seules philosophies appropriées à la démocratie étaient des variantes plus ou moins radicales et plus ou moins sophistiquées de la formule « à chacun sa vérité ». Au motif que le relativisme serait seul à même de préserver le pluralisme et de garantir le droit des minorités à défendre leur propre vision du monde. Or, comme l'ont montré depuis un certain temps à présent les amis de la vérité, il peut arriver que le relativisme offre temporairement une protection efficace, mais fondamentalement, j'en avais parlé dans mon premier cours sur la valeur de la connaissance, il est contradictoire avec tout projet d'émancipation, car il dépossède les dominés des armes de la critique. Comme Paul Bogossian le fait observer dans « La peur du savoir », je cite, « si, selon cette conception, les puissants ne peuvent plus critiquer les opprimés, parce que les catégories épistémiques fondamentales sont inévitablement liées à des perspectives particulières, il s'ensuit également que les opprimés ne peuvent plus critiquer les puissants. Voilà qui menace d'avoir des conséquences profondément conservatrices. Fin de citation. En détruisant ce que Wilfried Sellars appelait l'espace des raisons, le relativisme enferme les plus faibles dans le seul espace des rapports de force, où ils seront par définition toujours les vaincus, comme l'avait magistralement démontré Jacques Bouvresse en 1984 dans Rationalité et cynisme, lorsqu'il présentait une critique dévastatrice des courants de pensée postmoderne de la French Theory. Je cite Bouvresse. Proposer, comme on le fait parfois, de liquider définitivement des valeurs dépassées comme la rationalité critique ou communicative, la vérité et l'humanité est une façon curieuse de concevoir le progrès, puisque cela revient à supprimer, sans aucune contrepartie explicite, la dernière protection dont disposent les faibles et les plus démunis contre l'arbitraire des plus forts et des mieux armés. Fin de citation. Le cours de cette année s'inscrira, vous vous en doutez, dans cette famille de pensées qui est au cœur de ce que des auteurs comme Bouveresse et, avant lui, Orwell ou Russell appelaient la mentalité libérale, à savoir, pour reprendre les termes ici encore de Jean-Jacques Rosa, à qui l'on doit des travaux tout à fait remarquables sur Orwell, la conviction qu'il existe un lien intime et nécessaire entre liberté et démocratie d'une part, et rationalité et vérité objective d'autre part, et qui nourrissait l'espoir que la mentalité libérale, qui conçoit la vérité comme quelque chose qui existe en dehors de nous, quelque chose qui est à découvrir, et non comme quelque chose que l'on peut fabriquer selon les besoins du moment, survivra. Le passage vient de À ma guise, chronique 1943-47, donc, publié chez Agone en 2008. Plus précisément, la mentalité libérale dont Orwell se réclame est une tradition de pensée et d'action qui a, comme vous le savez, ses racines dans l'histoire, et notamment dans les combats menés pour les libertés de conscience et d'expression contre les églises officielles et les États despotiques, qui n'est donc pas une doctrine en bonne et due forme, encore moins une théorie, mais plutôt une attitude à la fois intellectuelle, morale et politique, qui associe étroitement le courage du non-conformisme et le souci de sincérité, la probité tant à l'égard des faits qu'à l'égard des idées, et la reconnaissance de ce que la vérité n'est pas au pouvoir des hommes, qu'elle ne saurait donc être construite, comme on dit aujourd'hui, par eux. C'est la présence de cette mentalité qui provoquait chez Orwell son admiration pour Russell, précisément à cause de la fermeté et de la constance de son attitude libérale. Il est réconfortant, disait Orwell, de savoir qu'un homme comme lui existe. Tant que lui et quelques autres de sa trempe seront en vie et en liberté, nous aurons l'assurance que subsistent dans le monde des îlots de santé mentale. Il a un tour d'esprit essentiellement marqué par la probité, an essentially decent intellect, par une sorte d'intelligence chevaleresque qui est infiniment moins répandue que la simple intelligence, cleverness. Rares sont les hommes qui, au cours des 30 dernières années, se sont montrés aussi obstinément réfractaires aux balivernes dictées par les modes du moment. En ces temps de panique et de mensonges universels, voilà un auteur dont la fréquentation est salutaire. Citation. Et Rosa de rappeler les mots de Orwell dans le long éditorial qu'il rédige en 1946 pour soutenir la revue Polémique contre les attaques des intellectuels communistes. Polémique soutient certaines valeurs morales et intellectuelles que l'on appelle de façon un peu vague les valeurs libérales, si l'on utilise le terme « libéral » dans son acception ancienne d'ami de la liberté. Son principal but est de défendre la liberté de pensée et de parole qui a été péniblement conquise au cours des 400 dernières années, de défendre une conception du bien et du mal et de l'honnêteté intellectuelle qui a été à l'origine de tout progrès véritable au cours des siècles passés et sans laquelle la continuité même de la vie civilisée n'est en aucune façon assurée. Or, dans « Où meurt la littérature ?», écrit quelques mois plus tôt, Orwell avait expliqué qu'en Angleterre, la mentalité libérale était menacée d'être détruite principalement de deux façons. Assurément par la puissance du capitalisme et par le dirigisme étatique, par, je cite, « la concentration de la presse entre les mains de quelques milliardaires, l'emprise du monopole sur la radio et le cinéma, les pressions d'organismes officiels comme le ministère de l'Information, etc. » Mais aussi, et peut-être plus encore, par le reniement des valeurs libérales par les intellectuels eux-mêmes, et particulièrement chez ceux qui devraient y être le plus attachés, les intellectuels de gauche. Notre époque a ceci de remarquable, écrivait Orwell, que ceux qui se révoltent contre l'ordre existant, ou du moins la plupart et les plus représentatifs d'entre eux, se révoltent également contre l'idée d'intégrité individuelle. Dans le passé, au moins au cours des siècles dominés par le protestantisme, l'idée de révolte et celle d'intégrité intellectuelle étaient intimement liées. L'hérétique, en matière politique, religieuse, morale ou esthétique, était quelqu'un qui refusait d'aller contre sa conscience. C'est ce que résumaient les paroles de l'hymne revivaliste « Ose être un Daniel, ose te dresser seul, ose être ferme dans tes convictions, ose les faire connaître ». Pour mettre cet hymne au goût du jour, commente Orwell avec une ironie amère, il faudrait transformer chacune de ces exhortations en interdiction. On peut penser, fort heureusement, que la mentalité libérale, ainsi définie, et dont, à mon sens, la dangerosité de l'époque que nous vivons exige plus que jamais la présence, n'a tout de même pas encore totalement disparu, à en juger par l'entêtement granitique de certains, ou l'énergie du désespoir, c'est selon, que mettent donc certains à vouloir, coûte que coûte, continuer à se situer dans l'espace des raisons. C'est le cas, par exemple, du philosophe Michael Lynch, qui, dans ce beau texte paru en 2012, « Democracy as the Space of Reasons », paru dans un recueil intitulé « Truth and Democracy », montre que certaines alliances qu'on aurait pu juger contre nature entre la droite et la gauche semblent bel et bien se maintenir et que la seule manière d'introduire un peu de clarté dans tout cela, c'est de choisir de s'inscrire résolument dans l'espace des raisons. Voyons donc d'un peu plus près, si vous le voulez bien, la teneur de ces arguments. Dans « Democracy is a space of reasons », Lynch commence par faire remarquer que ceux qui défendent aujourd'hui le créationnisme se plaignent de ce que les thèses soutenues par les partisans de la thèse opposée ne sont pas plus ou moins fondées que les leurs sur des raisons. Après tout, la science, elle aussi, repose sur ses principes, lesquels ne sont pas prouvés, et n'en sont pas moins souverains, comme le dit un jour le cardinal Newman. L'idée est la suivante. Ceux qui se prévalent de la science pour s'opposer à ce que l'on enseigne les récits bibliques sur la création à l'école, au fond, présupposent bien certains critères scientifiques de justification. Ces critères peuvent être remis en cause. Recourir à des critères scientifiques pour les défendre serait donc circulaire. En conséquence, il nous faut bien admettre, semble-t-il, que la science elle-même repose sur certains présupposés qui ne sont pas prouvés. Et donc, croient certains, cela autorise à conclure que, rationnellement parlant, la science n'est pas en meilleure posture que la Bible. Si nous laissons de côté les nombreux problèmes que comporte l'argument, le moindre d'entre eux n'étant pas que la conclusion ne s'ensuit aucunement des prémices, ce qui est intéressant dans ce genre d'argument, c'est, comme le dit Lynch, sa structure implicite. Elle a la forme, dont j'ai eu souvent l'occasion ici de parler, du problème fameux depuis les sceptiques grecs du critère. Problème qui peut s'énoncer ainsi. Lorsque vous prétendez connaître quelque chose, vous présupposez toujours tel ou tel critère rationnel, telle ou telle norme, telle ou telle méthode qui vous permet de faire le départ entre le vrai et le faux. Mais comment savez-vous que le critère en question est correct ? Faire appel aux mêmes critères est circulaire, mais faire appel à un autre critère ne vous sera d'aucun secours puisque la même question, n'est-ce pas, se posera à nouveau. Les raisons exigent des critères et les critères exigent à leur tour des raisons. Et les sceptiques, d'en conclure, que nous ne pouvons jamais connaître quoi que ce soit, ou quand ils ne sont pas dogmatiques, mais simplement pyrrhoniens, qu'il nous faut à tout le moins suspendre notre jugement, accepter tout bonnement, et souvenons-nous de Wittgenstein, que la justification doit bien s'arrêter quelque part, ou encore, s'ils sont plus urbains ou modérés, comme Hume, ou conservateurs, comme les médecins Sextus et Montaigne, qu'il vaut mieux s'en remettre à la coutume, à l'habitude et aux mœurs. Soyons réalistes, soyons pratiques, reconnaissant que certaines de nos croyances ne sont pas fondées, retroussons nos manches et partons de là. Mais partons d'où, au juste ? Cela vaut la peine de se pencher sur les deux directions qui, à partir de ce constat, vous voyez, nous sont le plus souvent proposées pour affronter le défi sceptique d'une possible défense non circulaire de nos critères. Tout se passe comme si, c'est ainsi qu'on nous présente en général les choses, nous n'aurions le choix, en somme, qu'entre les deux options suivantes. Ou bien accepter que tous les critères de vérité sont pareillement valides, ou bien planter là notre drapeau et déclarer tout de go qu'il y a bien un critère objectif, le nôtre, bien entendu, mais admettre que la raison, de toute manière, ne nous permettra jamais de révéler ce qu'il est. Comme nous le savons depuis l'Antiquité, et comme nous le rappelle la question brûlante par laquelle j'ai commencé, le scepticisme n'est pas simplement un problème sur lequel les philosophes s'égosillent dans le confort de leur cabinet, ou dans de petits cercles d'épistémologues triés sur le volet. Le scepticisme, comme je l'ai souvent rappelé, est une arme que l'on a toujours brandie dans la cité notamment dans les périodes troubles, et que l'on continue de brandir dans les discussions sur la théorie politique et dans le champ politique tout court. En particulier, on voit bien qu'il joue un rôle central, comme le rappelle Michael Lynch, dans l'opposition, que celle-ci vienne de la gauche ou de la droite, à l'idée selon laquelle la démocratie irait de pair avec ce que Sellars appelait l'espace des raisons, bref, avec l'idée que lorsqu'il s'agit de démocratie, il en va exactement de même que lorsque nous cherchons à comprendre ce que veut dire, par exemple, cet état qui consiste à connaître quelque chose, et que pour ce faire, nous ne donnons pas, je cite Sellars, une description empirique de cet épisode ou de cet état, mais estimons qu'il faut nous placer dans l'espace logique des raisons, où il s'agit de justifier et d'être capable de justifier ce que l'on dit. Fin de citation. Mais qu'implique au juste une telle affirmation ? Collège de France et France Culture vous présente la philosophe Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, la démocratie ou l'espace des raisons. Affirmer que la démocratie est un espace de raisons, c'est défendre l'idée que la politique démocratique est elle-même sommée de donner des justifications, de prouver sa légitimité, et qu'elle va donc de pair, nécessairement, avec une pratique qui suppose en permanence que l'on donne des raisons et que l'on agisse pour des raisons. C'est soutenir que dans un État démocratique, les désaccords qui existent entre des citoyens doivent se traiter uniquement dans l'arène de la raison, et que les arguments invoqués par le pouvoir étatique pour légitimer tel ou tel de ses usages doivent pouvoir être étayés par des raisons. Et de façon cruciale, que les raisons invoquées sont des raisons de croire ce qui est vrai, par opposition à des raisons de croire qui va gagner l'élection, va nous rendre riches ou va damner le pion à nos ennemis. Bref, penser à la démocratie comme à un espace de raisons, c'est considérer que les idéaux d'une politique démocratique exigent de s'engager dans la poursuite rationnelle de la vérité. On ne manquera pas de juger une telle conception de la politique et de la démocratie naïve ou incohérente. Et les objections à l'encontre d'une telle approche sont bien connues, qu'elles viennent de droite ou de gauche, lesquels, et c'est là un point qui mérite qu'on s'y arrête, ont beaucoup plus en commun en la circonstance qu'on ne pourrait le penser de prime abord. Non seulement elles sont mues par une posture sceptique similaire, mais elles produisent le même résultat, elles contribuent à justifier dit Lynch, une forme profondément antidémocratique de dogmatisme. Et voici pourquoi. Comme l'ont montré depuis longtemps les historiens du scepticisme, Richard Popkin ou Kieran Spenellum, c'est l'une de ces ironies de l'histoire que les arguments sceptiques aient été rarement plus populaires qu'ils ne l'ont été auprès d'authentiques croyants et qu'ils aient été tout particulièrement utilisés pour venir en renfort des conceptions religieuses et politiques les plus conservatrices. Souvenons-nous, Montaigne se complaît quand même beaucoup dans le molle oreiller du doute et profite des arguments sceptiques pour accepter sans argument la tradition dominante de sa communauté religieuse. Ce que nous révèle le problème du critère, nous dit-il dans l'Apologie de Raymond Sebon, c'est que le malheur de l'homme consiste à se bercer de l'illusion qui consiste à croire qu'il est doué de connaissances, qu'il en est capable. Ce pourquoi l'ignorance est si vivement recommandée par notre religion et est considérée comme appropriée pour la croyance et l'obéissance. L'objectif est moins de souligner qu'on ne connaît rien que de marteler que l'on ne peut vraiment pas se fier à la raison humaine et qu'il est impossible de connaître quoi que ce soit par son entremise. C'est en acceptant un ensemble de critères imperméables à la raison que l'on gagne son salut, pas seulement spirituel, mais politique. Le motif sous-jacent, comme je l'ai montré longuement au début du doute en question, est bien connu. Suivre la raison ne peut mener qu'au conflit et à la discorde. La paix n'est possible que si l'on renonce à ses propres forces et qu'on se laisse élever par des forces purement célestes. L'idée maîtresse que l'on retrouve dans ce genre de position conservatrice est celle-ci. Si la raison est un pauvre guide qui ne contribue en rien à nous rapprocher de la vérité, alors faire reposer son système politique sur la seule raison, ce n'est pas seulement faire preuve d'un manque de sagesse, c'est ne pas voir qu'une telle chose est tout bonnement impossible. On ne peut pas se placer dans un espace de raison libre de tout fondement qui échapperait à la raison. Il nous faut donc accepter certains critères uniquement sur la base de la foi. Même si ces arguments s'inscrivent d'abord dans un contexte où l'on cherche à fixer des critères plus éthiques et religieux qu'épistémiques, et sont évidemment aussi à resituer dans le contexte historique où ils s'inscrivent, et en particulier dans celui des guerres implacables que se livrent alors les religions, ne sont pas si éloignés, comme l'observe Mike Lynch, du genre d'argument qu'invoquent aujourd'hui les défenseurs du créationnisme qui veulent semer le doute sur la fiabilité de la méthode scientifique en faisant remarquer que les savants, eux aussi, doivent bien supposer l'axiome même sur lequel ils argumentent et partant que les thèses créationnistes et scientifiques sont épistémiquement parlant, au fond, à égalité. Dans un cas comme dans l'autre, on doit accepter leurs critères sur la base de la foi. Mais on voit aussitôt pourquoi la conclusion de ce genre d'argument soulève une question de taille. Si nous devons accepter certains critères sur la base de la foi, quels critères allons-nous accepter ? Et bien souvent, thème qui traverse l'histoire, de Montaigne à Burke, Hayek et Hawkshop, sous différentes modalités, le mieux est de se fier à la reposante autorité de la tradition et du passé. Mais ce faisant, on admet au fond que le dogmatisme n'est pas problématique dans le cadre d'une politique démocratique. Assurément, il n'est pas dans mon intention de sous-estimer le fait que, pour certains comme Montaigne, la démocratie en elle-même ne constituait pas un idéal en soi, que ce type de remarque, naturellement, serait sur lui de peu d'effet, ni davantage que le respect de la tradition pour lui, encore moins, par exemple, pour un auteur comme Pierre Bayle, qui a passé son temps à lutter contre la superstition, mais chez qui vous trouvez aussi, évidemment, certains arguments qui ne sont pas sans rappeler les arguments de Montaigne, n'avait rien de dogmatique. Il ne s'agit pas non plus de sous-estimer le rôle positif que peuvent avoir par ailleurs certaines traditions ou cultures, ni le besoin, par exemple, d'en tenir compte dans l'espace démocratique, j'y reviendrai, peut-être même par une réflexion plus approfondie que celle que l'on a menée jusqu'à présent, comme y exhortent certaines théories contemporaines de la démocratie, sur la forme que pourrait prendre, par exemple, une certaine sagesse collective. Ce qui est en question, vous l'aurez compris, ce n'est pas la tradition, mais l'usage qu'on en fait en la considérant comme un arbitre épistémique ultime. Un arbitre épistémique ultime, c'est d'abord un point d'arrêt, une autorité à laquelle doivent obéir toutes les autres raisons épistémiques. En deuxième lieu, le propre de cet arbitre, c'est de ne pas être lui-même soumis à la moindre évaluation épistémique, au moindre arbitrage. Un arbitre épistémique, c'est précisément un arbitre qui se situe en dehors de l'espace des raisons, parce qu'il est, en quelque sorte, hors-jeu. Et donc, traiter la tradition ainsi, c'est la considérer comme un fondement non épistémique de raison, comme quelque chose qui est au-delà de la raison, que l'on ne peut établir rationnellement. Comme on vient de le voir, le défenseur de l'argument sceptique conservateur n'a apparemment pas d'autre choix que de considérer la tradition exactement de cette façon. Tel est précisément l'objectif de l'argument sceptique, faire apparaître que tout critère peut être remis en cause et qu'il nous faut, en dernier recours, faire appel à quelque chose qui n'a nul besoin lui-même d'être étayé par la raison, ni de se voir défendu, quelles que puissent être les récriminations pour ce faire, que l'on peut entendre de la part de la raison. Cela, assurément, n'est ni plus ni moins que du dogmatisme. Or, on peut considérer que ce qui est définitionnel d'un espace démocratique, en laissant pour le moment ce terme dont tous les théoriciens s'accordent à dire qu'il est précisément fort difficile à définir dans un certain flou, l'espace démocratique est celui dans lequel on a affaire à des concitoyens, à des égaux, qui sont des agents rationnels, autonomes, dignes du respect égal que leur confère la loi. Mais ce qui fait au moins en partie d'un agent qu'il est autonome, c'est qu'il est capable de faire des jugements sur ce que l'on doit croire. Les jugements que l'on fait sur ce que l'on doit croire s'appuient sur des raisons. De toute évidence, je vous manquerais de respect si je refusais de vous donner une raison en réponse à une objection que vous pourriez m'adresser. De même, l'État vous manque de respect s'il refuse de donner la raison pour laquelle il fait usage du pouvoir politique, par exemple en proclamant et ou en maintenant l'état d'urgence. Et de façon cruciale, les raisons en question ne peuvent pas être des raisons, au sens où le fait que je pointe une arme sur vous serait une raison pour vous de faire ce que je veux. Les mesures politiques qui sont prises et qui vous concernent en tant que citoyen ne peuvent pas se justifier dans une conception démocratique de la politique par simple imposition de pouvoir, car ici encore, l'imposition d'une mesure n'est pas une justification de ce pourquoi elle doit être imposée. Je dois plutôt chercher à vous persuader que ma vision des faits est plus proche de la vérité que la vôtre. Ce n'est qu'alors que je vous traite comme un être rationnel, autonome, capable de juger ce qu'il faut croire. Sinon, si je vous empêche d'avoir accès à toutes les preuves empiriques disponibles, je vous empêche de juger par vous-même, ou pire, je juge à votre place. En résumé, dès lors que nous cessons de nous donner aux uns et aux autres des raisons de ce que nous croyons, dès lors que nous laissons nos désaccords se résoudre et les décisions de nos gouvernements se prendre sans raison adéquate, nous cessons de nous concevoir comme des participants égaux à l'entreprise démocratique. Mais avant d'aller plus loin, il nous faut revenir à la deuxième objection qui est classiquement avancée contre l'idée selon laquelle la démocratie serait un espace de raison. Si la première objection consiste en effet à soutenir que la raison est un piètre guide, la seconde consiste à admettre qu'elle est bien un bon guide, mais simplement que ce n'est pas un bon guide vers la vérité. L'espace démocratique est un espace des raisons, soit, mais ces raisons visent non pas la vérité, mais le consensus. Il y a plusieurs manières de parvenir à cette conclusion. Premièrement, on peut soutenir que les raisons que nous invoquons dans un argument politique ne peuvent pas être des raisons de croire que telle ou telle position morale ou politique soit vraie, parce que défendre la vérité de la position d'un tel plutôt que de tel autre, c'est violer le principe libéral cardinal de la tolérance. Notre raisonnement public doit donc viser le consensus. En deuxième lieu, on peut soutenir que de toute manière, des croyances vraies ne sont pas ce que vise la justification, et donc que l'argument n'a pas lieu d'être. La seule chose que nous puissions viser par conséquent, c'est le consensus. Vous aurez reconnu pour le premier point la position qui est couramment associée à celle qu'a soutenue John Rawls, en tout cas le dernier John Rawls, notamment dans « Libéralisme politique ». Position motivée par une confrontation directe avec ce que Rawls a appelé le paradoxe de la raison publique, à savoir que le libéral ne peut pas défendre son propre point de vue en faisant appel à toute la vérité et soutenir dans le même temps que le gouvernement doit tolérer autant que possible des conceptions différentes sur le bien ou sur la meilleure vie qu'il convient de mener. Accusation souvent faite aux premiers écrits de John Rawls, en particulier la théorie de la justice, de la part tant des communautariens de gauche comme Michael Sandel que des conservateurs de droite. La réponse de John Rawls fut alors, selon la formule, de pratiquer une forme d'abstinence épistémique et de soutenir que le genre de raison que nous devons fournir les uns aux autres dans l'espace démocratique sont des raisons, pour reprendre ces termes, politiques, mais ne sont en rien des raisons métaphysiques. Notre but, lorsque nous donnons de telles raisons, c'est au moins en partie de parvenir à un consensus de recoupement, overlapping consensus, et cela vaut pour le philosophe politique libéral comme pour tout un chacun. Dans l'esprit de Rawls, c'est un point, je crois, très important, viser le consensus n'est en rien contradictoire avec le fait de viser la vérité en soi. Simplement, ce sur quoi il veut mettre l'accent, c'est sur le fait que lorsque nous défendons nos conceptions politiques, nous ne devons faire appel qu'au seul principe que nous pouvons tous accepter. Vous aurez noté le « devons ». En d'autres termes, il ne veut pas dire du tout que nous ne pouvons pas viser la vérité, ni qu'il n'existe rien de tel que la vérité objective que nous visons. Mais simplement que le principe de tolérance, associé aux vertus de civilité, exige que les justifications politiques démocratiques que nous invoquons soient largement acceptées. Ce qui est une position, en fait, que l'on peut trouver recommandable. Comme l'avait rappelé la philosophe Jean Hampton, peu importe au fond ce que sont nos croyances religieuses, morales ou nos engagements métaphysiques, si nous devons œuvrer ensemble dans un système de coopération, il nous faut avoir une monnaie commune pour débattre et régler les disputes, sans quoi c'est la ruine de notre société. Nos raisons politiques doivent donc se faire dans cette monnaie, c'est-à-dire qu'il faut les donner en nous appuyant sur un fonds commun de critères, à l'aune desquels nous mesurons ce qui compte pour vrai et ce qui compte pour faux. Il est tout bonnement irrespectueux, pour ne pas dire entièrement inefficace, de chercher à convaincre quelqu'un d'accepter vos positions au moyen de raisons qu'il ne reconnaîtra pas comme des raisons. Mais bien entendu, cela n'interdit en rien que les raisons communes que nous reconnaissons tous comme des raisons soient des raisons de penser que certaines croyances est vraie. Lorsque je procède à une argumentation politique, je dois donner des raisons que les autres acceptent comme des raisons. Cela n'implique nullement que je ne cherche qu'à faire accepter ces raisons. Après tout, si seule l'acceptation est ce qui importe, il existe nombre de moyens bien plus efficaces que la raison. Il vaudrait mieux que je simplement ne me serve pas de raison, mais que je recours à la rhétorique, que je me munisse d'une grosse matraque, ou que je fasse appel à des publicités télévisées bien ciblées. Justement, ce n'est pas ce que vise Rawls. Il veut plutôt nous rendre sensibles au fait, comme on l'a aussi souligné, que nous devons faire appel à des raisons pour justifier nos conceptions politiques, parce que ce n'est qu'ainsi que nous respectons nos concitoyens, quelle que puisse être l'ampleur du pluralisme raisonnable. Bref, la diversité des conceptions qui existent sur le bien et sur ce en quoi consiste la vie bonne. Et ces raisons doivent être des raisons de croire ce qui est vrai. C'est seulement ainsi que je traite ceux à qui je donne des raisons comme des agents rationnels, autonomes, et non comme des jouets que je peux manipuler à ma guise. Ce qui veut dire aussi que le principe de tolérance, loin de nous prescrire de viser la vérité, lorsque nous argumentons en politique, l'exige. Car ce même principe, sans même mentionner les faits pratiques, requiert que les raisons que nous donnons entre nous, en discourant de manière civile, de croire que telle proposition est vraie, soient des raisons que la plupart d'entre nous puissent reconnaître comme des raisons de croire que la proposition en question est vraie. Autrement dit, il ne faut pas dire que la vérité n'est pas la visée ultime de notre pratique de justification en politique. Il faut simplement dire, pour reprendre le terme de Lynch, que nous limitons en quelque sorte un stock dans lequel nous procédons à certains prélèvements. Contrairement à ce que l'on dit parfois, Rawls ne vient donc pas apporter de l'eau au moulin de ceux qui objectent que l'espace démocratique serait un espace de raison, entendu au sens où la raison viserait la vérité. Mais évidemment, on peut aussi penser que c'est l'arbre qui cache la forêt et que le gros problème que doit affronter un libéral rawlsien, ce n'est peut-être pas celui de savoir si les raisons politiques visent le consensus ou la vérité, mais plus généralement s'il ne s'appuie pas sur une confiance illégitime en sa propre conception de la raison elle-même. Bref, peut-être serait-il aussi coupable de sa foi en un critère particulièrement scientifique de raison. Car comme semble le montrer le problème du critère, si la raison ne peut pas donner de raison en faveur du critère de raison qu'elle utilise, elle doit admettre que sa vénération pour le dit critère se ramène purement et simplement à ceci, qu'il est accepté sur la base de la foi. La raison finirait donc toujours par s'appuyer sur ce qui n'est pas elle, et l'espace démocratique ne pourrait pas en définitive être l'espace des raisons. La démocratie semble bien plutôt reposer de plein pied dans la sphère de la foi, auquel cas nous nous retrouvons face à la première objection. Alors cela ne signifie pas que le philosophe de la connaissance, face aux objections sceptiques que je viens de rappeler, soit totalement dépourvu. Après tout, et ce sont des questions que nous avons eu souvent l'occasion d'aborder lorsque nous avons analysé les sources internalistes ou externalistes de la justification, ou les différents degrés d'autorisation épistémique et de justification, on peut contourner l'argument sceptique de la régression de la justification de plusieurs manières. Je vous renvoie au cours des années passées, je n'y reviens pas pour le moment. Qu'il suffise de noter, en effet, par exemple, qu'il est possible de montrer, en suivant une voie externaliste, que l'argument sceptique repose sur des présupposés non garantis. D'autres termes, même si nous ne pouvons pas aussi aisément donner une raison épistémique non circulaire, de nous fier à certains critères épistémiques plus qu'à d'autres, cela ne signifie pas qu'il n'y ait aucune raison d'aucune sorte d'adopter certains critères, comme faisant partie de la fameuse monnaie commune. J'ai pour ma part développé une forme de position que j'appelle de sens commun critique, dont on pourra voir, je l'espère, qu'elle peut être, dans certains cas, invoquée. Mais on peut aussi montrer, et c'est l'approche que suit Lynch, que ce à quoi il faut ici peut-être faire appel, plutôt qu'à des raisons épistémiques ou théoriques, c'est à des raisons pratiques. Après tout, la question est bien à la racine pratique. Quels critères de raison devons-nous utiliser comme monnaie commune de notre discours politique ? En outre, agir ainsi nous engage probablement à privilégier politiquement ce critère. Or, privilégier politiquement un critère, c'est considérer, ce n'est pas mince, qu'il vaut la peine d'être enseigné dans les écoles, faire l'objet de protections institutionnelles, et qu'il faut lui accorder plus de poids dans le discours politique. Ce sont là bel et bien des questions pratiques qui comptent. Or, loin de constituer une objection à l'idée que la démocratie soit un espace de raison, on peut voir que le cadre rawlsien suggère une manière possible d'aborder cette question pratique. Et on peut le suivre en réinvestissant ici le concept de position originelle épistémique. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 1er mars 2017, Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, la démocratie ou l'espace des raisons. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Claudine Tiercelin. La philosophe a publié « Le ciment des choses », petit traité de métaphysique scientifique réaliste aux éditions Ithac. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Claudine Tiercelin son interrogation de la démocratie et de l'espace des raisons. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.